Hello, it's me. Hello, allô, c'est moi. Hello, it's me. One love, one thing. Thank you.

mec qui revient sur le truc. Because the rare day. sweet dream. Sweet dream on the Elvis. Calcule mon délai. 120. Putain, ils sont compliqués, hein. Ils sont compliqués les jeunes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.